1 Corinthiens chapitre 15. Or, mes frères, je vous fais savoir l'évangile que je vous ai annoncé, et que vous avez reçu, et auquel vous vous tenez ferme, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez en quelle manière je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, savoir, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, et ensuite des 12. Depuis, il a été vu de plus de 500 frères à une fois, dont plusieurs sont encore vivants, et quelques-uns sont morts. Ensuite il a été vu de Jacques, et puis de tous les apôtres. Et après tous, il a été vu aussi de moi, comme d'un avorton. Car je suis le moindre des apôtres, qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a point été vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous, toutefois non point moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous l'avez cru ainsi. Or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment disent quelques-uns d'entre vous, qu'il n'y a point de résurrection des morts? Car s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ aussi n'est point ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et même nous sommes de faux témoins de la part de Dieu, car nous avons rendu témoignage de la part de Dieu, qu'il a ressuscité Christ, lequel pourtant il n'a pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ aussi n'est point ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui dorment en Christ, sont péris. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, et il a été fait les prémices de ceux qui dorment. Car puisque la mort est par un seul homme, la résurrection des morts est aussi par un seul homme. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Christ. Mais chacun en son rang, les prémices, c'est Christ, puis ceux qui sont de Christ, seront vivifiés en son avènement. Et après viendra la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, et quand il aura aboli tout empire, et toute puissance, et toute force. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort. Car Dieu a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il est dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses, est excepté. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si absolument les morts ne ressuscitent point? Pourquoi donc sont-ils baptisés pour les morts? Pourquoi aussi sommes-nous en danger à toute heure? Par notre gloire que j'ai en notre Seigneur Jésus-Christ, je meurs de jour en jour. Si j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, par des vues humaines, quel profit en ai-je si les morts ne ressuscitent point? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne soyez point séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous pour vivre justement, et ne péchez point, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu, je vous le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment ressuscitent les morts, et en quel corps viendront-ils? Ô fou, ce que tu sèmes n'est point vivifié, s'il ne meurt. Et quant à ce que tu ne sèmes point le corps qui naîtra, mais le grain nu, selon qu'il se rencontre, de blé, ou de quelque autre grain. Mais Dieu lui donne le corps comme il veut, et à chacune des semences son propre corps. Toute chair n'est pas une même sorte de chair, mais autre est la chair des hommes, et autre la chair des bêtes, et autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes, et des corps terrestres, mais autre est la gloire des célestes, et autre celle des terrestres. Autre est la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles, car une étoile est différente d'une autre étoile en gloire. Il en sera aussi de même en la résurrection des morts. Le corps est semé en corruption, il ressuscitera incorruptible. Il est semé en déshonneur, il ressuscitera en gloire, il est semé en faiblesse, il ressuscitera en force. Il est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. Il y a un corps animal, et il y a un corps spirituel. Comme aussi il est écrit, le premier homme Adam a été fait en âme vivante, et le dernier Adam en esprit vivifiant. Or ce qui est spirituel, n'est pas le premier, mais ce qui est animal, et puis ce qui est spirituel. Le premier homme étant de la terre, est tiré de la poussière, mais le second homme, savoir, le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est celui qui est tiré de la poussière, tels aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière, et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est tiré de la poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Voici donc ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent point hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transmués, en un moment, et en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transmués. Car il faut que ce corruptible, revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie, la mort est détruite par la victoire. Ouais, ô mort, ton aiguillon? Ouais, ô sépulcre, ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne vous sera pas inutile auprès du Seigneur.